le 6-9 de l'été sur France Inter. Et chaque matin, ça rock sur France Inter à l'occasion des 40 ans de la disparition d'Elvis Presley. Ce sera le 16 août prochain. Rediffusion d'un feuilleton hommage au King Magic Elvis. C'est le feuilleton des radios francophones publiques ce matin. Elvis à Paris. Elvis n'a donc jamais donné de concert en Europe, à son grand regret d'ailleurs. Et pourtant, il a eu l'occasion d'y venir en 1959 et en 1960, en Allemagne bien sûr, pour son service militaire, mais aussi à Paris, où il est venu trois fois, dont une visite très discrète, motivée par une très jolie femme. Les explications de Jean-Marie Pouzinck. Il est venu la première fois en juin 59. Il est resté une bonne dizaine de jours, il était en permission. Et il est revenu. La semaine qui a suivi, pratiquement, il est revenu, il a fait un aller-retour vite fait, parce qu'Elvis flirtait avec les jeunes femmes du Lido, et particulièrement avec une des sœurs Kessler, qui était à l'époque les vedettes du spectacle. Et il est revenu en janvier 60 pour rencontrer un maître de karaté. Ready, set, go, man, go. Et quand on demande à Joe Esposito, qui accompagnait Elvis à Paris, s'il y avait bien une histoire d'amour autour de ses voyages en France, voici ce qu'il répond. Pas une, plusieurs. Il y avait une fille qu'il aimait particulièrement, Nancy Parker. Je ne sais plus dans quel spectacle elle jouait, il l'aimait beaucoup, il l'a vue deux ou trois fois. On était à l'hôtel Saint-Georges, sur les Champs-Élysées. Comme il était déjà venu, il m'a fait visiter. On a vu la Tour Eiffel, Notre-Dame, on a fait pas mal de boîtes de nuit, plusieurs fois le Crazy Horse Saloon. En dansant, toutes les filles regardaient Elvis. So it was so great. I said, take it easy, baby. I worked all day and my feet feel just like lead. You got my shirt tail flying all over the place and the sweat popping out of my head. Elvis menait donc la belle vie à Paris. Et Joe Esposito, témoin et acteur de cette aventure française, n'était pas au bout de ses surprises. Le plus drôle, c'est que des limousines nous attendaient à l'arrivée du train. Les officiers, les généraux nous regardaient partir en limousine alors qu'ils devaient attendre un taxi. Je me disais, ce sont des généraux et des colonels et ils doivent prendre un taxi. Et nous, on prend des limousines juste parce qu'on est avec Elvis. C'était un autre monde pour moi. Les voyages de Presley en France ont été décrits dans le livre de Jean-Marie Pouzinck intitulé fort logiquement « Elvis à Paris ». Elvis avait donc eu l'occasion d'entendre de belles chansons francophones durant ses séjours, et c'est peut-être pour ça qu'il avait enregistré sa version du célèbre plaisir d'amour « Can't Help Falling in Love ». Wise men say only fools rush in, but I can't help. Falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling? Surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For can't help falling in love. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Un peu d'amour dans ce monde de brutes. Magic Elvis, série signée Philippe Robin, initialement diffusée en 2007, à retrouver chaque matin sur France Inter.